إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أناهيف عن شتت سبال السحرة السحر والسحرة تبين la magie et les magiciens. Et يعني ce livre en fait, je me souviens, si je me souviens bien, en 1995, j'avais étudié ce livre avec le Cheikh Ibrahim al-Ruhayli à Médine, dans la mosquée de Zunnourain. Zunnourain, c'est une mosquée qui est juste en face de Masjid al-Nabawi. On avait étudié le livre, et moi j'avais commencé environ dans ce point-là. J'avais pas étudié le livre au complet avec lui parce que j'étais arrivé, et le Cheikh a déjà commencé d'expliquer le livre avant que j'arrive à Médine. Donc quand je suis arrivé, j'ai commencé avec lui certains points, puis j'avais pris quelques notes à l'époque. Pas beaucoup de notes, mais quand même quelques notes. Puis le souvenir que j'ai de ce livre-là, c'est justement parce que c'est le même livre que j'avais utilisé pour suivre le darf avec le Cheikh. Donc c'était en même temps un bon souvenir pour moi. Puis ce chapitre-là, le Cheikh expliquait les détails de cette question-là aussi. Donc on va essayer de lire on va commencer par lire le passage, puis après on va mentionner quelques points s'il y a des fawa'id à rajouter, inshallah. Le Cheikh nous dit donc: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الشيخ الزي أبو عثمان il témoigne qu'il y a dans la dunya, dans ce monde, de la magie et des magiciens, ou de la sorcellerie et des sorciers. Les gens qui utilisent la sorcellerie, ou les mauvais sorts, qui jettent des mauvais sorts, qui font de la magie. Et qu'ils font du mal, mais qu'ils ne peuvent vraiment nuire à personne, excepté par la permission d'Allah. Donc si ils font de la magie pour essayer de faire du mal à quelqu'un, ils ne peuvent en réalité nuire à personne, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Baqarah, dans le verset 102, et ils ne peuvent vraiment nuire à personne, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un doit mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh, en fait, au début, si on regarde bien comme il faut, il dit, on témoigne qu'il y a de la magie et des magiciens, ou bien de la sorcellerie et des sorciers. Parce qu'il y en a certains parmi les gens de Bédara qui ont nié la réalité de la magie. C'est-à-dire, ils ont renié que la magie existe réellement. Comme le Mu'tazila, par exemple, et d'autres qui ont dit ça, c'est pas les choses réelles. Ça n'existe pas, la magie. Mais on voit que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il a été ensorcellé par un juif, qui lui a jeté un sort. Et la magie, c'est quelque chose qui est mentionné même dans le Coran. Toutefois, il y en a qui considèrent que la magie, c'est seulement des sortes d'illusions, des tours d'illusions d'optique qu'on fait pour essayer de tromper le regard des gens. Mais ça, c'est une forme de magie que les gens font. Toutefois, il y a aussi une forme de magie ou de sorcellerie qui consiste à entrer en contact avec des djinns en faisant des formes de sacrilège hein, que les djinns vont nous demander de faire dans le but d'arriver à, par exemple, obtenir certains services en échange. Comme par exemple d'essayer de dire, par exemple, si quelqu'un, il aime une femme et il veut que cette femme l'aime et elle n'est pas intéressée à lui, ou bien une femme aime un homme et cet homme ne veut pas, par exemple, l'épouser ou des trucs comme ça, elle va avoir recours, par exemple, elle va aller voir un sorcier ou un kahin ou un sahir et va lui demander, ou un marabout comme on les appelle dans d'autres pays, elle va lui demander de lui donner quelque chose ou lui faire quelque chose pour essayer de faire en sorte que cette personne soit attirée à celui-là, etc. Donc, soit que ce soit par des sorcelleries ou des magies ou des potions ou des trucs comme ça que les gens vont essayer d'utiliser pour arriver à prendre en contrôle l'autre personne. Et puis il y a aussi d'autres trucs de magie ou des sorcelleries que les gens font pour vraiment faire du mal à une autre personne ou la rendre malade ou la blesser ou même la tuer parfois. Donc ça c'est différentes formes de sorcellerie que parfois des gens essaient de dire non, ça n'existe pas ces choses-là, alors que réellement ça existe. Okay? Et c'est pour ça que même Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre al-mu'awwadhatan, les deux versets qui sont à la fin du Coran, قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق et le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a enseigné d'utiliser ces deux versets-là pour contre Al-Aïn et contre les magies et les sorts et des trucs de ce genre et d'utiliser le dhikr et les adhkar pour se protéger également contre le shaitan etc. Donc c'est pas correct de nier la réalité de la magie et de la sorcellerie, des trucs comme ça. Il faut croire que ces choses-là sont réelles, que ça existe également, mais en même temps, il faut pas en faire une phobie, comme ils ont peur de ça, à un point que, ils voient ça partout, et ils s'imaginent que ça, c'est, qu'ils sont toujours en train de se faire ensorceler par tout le monde. Donc ça, c'est un extrême. Et puis donc, il faut juste comme savoir que en fait, même si quelqu'un essaie de nous jeter des sorts ou de nous faire du mal de cette façon-là, ils ne peuvent que nous faire ce que Allah a écrit pour nous, et ils ne peuvent le faire que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut donc mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a certains pays où ces choses-là sont plus répandues que d'autres, hein, comme par exemple chez nous en Haïti par exemple. Et bien ça, c'est des choses qui sont très courantes. Les gens utilisent ça et ils pratiquent ce qu'on appelle le vaudou. Le vaudou, hein, bon, le vaudou c'est plus bien entendu, c'est pas juste de la magie, ça rentre même dans des croyances religieuses également, puis des formes d'adoration qui comportent toutes formes de shirk et toutes sortes de formes de kufr également. Mais il y a aussi dedans qui sont des choses qui sont mélangées avec ça, qui contiennent également des formes de sorcellerie, puis dans certains pays, même en Afrique et en Asie, puis partout en fait dans les pays, même en Occident, les gens ils pensent ici que la magie n'existe pas, alors que les gens qui pratiquent peut-être plus de formes de magie sont déjà ici en Occident. Avant l'arrivée du christianisme, beaucoup des peuples de l'Europe étaient des gens qui croyaient à la magie, puis qui pratiquaient la magie. Hein. Donc beaucoup de gens oublient ça, puis ces formes de magie-là restent encore pratiquées, mais dans des cercles privés, secrets, puis dans des sortes de groupes, en tout cas. Donc ça c'est des choses que beaucoup de gens ignorent, mais qui sont là présentes, et puis ils utilisent ça pour les contrôler ou faire du mal aux autres. Donc il faut tous donc être conscients de ça, puis donc prendre garde à ça, parce que en fait, la magie, comme le cheikh al-Valbert, on va lire qu'est-ce qu'il dit maintenant, il dit وَمَنْ سَحَرَ مِنْهُمْ وَاسْتَعْمَلَ السِّحْرَ وَاَعْتَقَدَ أَنَّهُ يَضُرُّ أَوْ يَنْفَعُ بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Donc le cheikh il dit que celui qui utilise la magie, qui fait de la magie, ou qui utilise la magie, ou qui croit que la magie n'a pas d'effet, ou ne peut pas faire un bien ou nuire, C'est-à-dire, celui qui croit que la magie peut nuire ou avoir un effet positif en dehors de la permission d'Allah, c'est-à-dire sans que ce soit par la permission d'Allah, alors tous ces cas-là, c'est des exemples de quelqu'un qui a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait la magie, celui qui utilise la magie, celui qui croit que la magie peut nuire ou profiter quelqu'un sans que ce soit par la permission d'Allah, ceux-là sont tous considérés comme des kuffars. Le fait même d'apprendre la magie, c'est un kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la surah Al-Baqarah, le verset qui dit وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. Donc, dans ce verset-là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les anges, quand ils sont venus, Harut et Marut, ils sont venus, ils ont dit qu'ils sont venus comme un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ne l'enseignaient pas à personne, excepté qu'avant de leur enseigner, ils les prévenaient que si ils apprenaient cette magie-là, ils allaient être des kuffars et qu'ils n'allaient avoir aucune part dans l'au-delà, du paradis et tout ça, qu'ils savaient qu'ils vont être dans l'enfer. Et donc, que le simple fait de l'étudier, la magie, même si c'est pas pour la pratiquer, même si c'est pas pour y croire, c'est un acte de kuffar en lui-même. Parce que ça implique un sacrilège déjà en partant, du fait que les djinns, ils vont te demander déjà en partant de faire des actes ou des formes de kufr et de shirk. Et des fois, ça implique même d'utiliser, par exemple, certains qui utilisent, par exemple, de créer le Coran avec du sang, ou d'écrire des paroles et des choses qui impliquent des paroles de shirk ou des doigts pour les djinns ou des choses comme ça, comme les ulama ont expliqué ça dans les livres quand ils vont parler de la magie. Donc, de faire de la magie, c'est kufr et shirk. Et celui qui pratique ça, il est kafir. Et même la magie qui est pas, qui a pas rapport avec le fait d'utiliser des djinns, ça aussi, ça rentre dans l'interdiction. Comme les gens, par exemple, qui font des tours, qui montrent qu'ils donnent l'impression qu'ils sont en train de couper une personne en deux, puis après ils la recollent ensemble, des choses comme ça. C'est arrivé même au temps des Sahaba, il y avait un homme qui jouait des tours comme ça. Une fois, il montrait aux gens qu'il coupait la tête de quelqu'un, et puis il le recollait ensemble, ok? Et puis, il faisait croire aux gens qu'il avait ce pouvoir-là de faire revivre, ou de faire recoller la tête, puis de faire vivre les gens. Donc, il y a un Sahabi, qui a vu ça un jour, et puis, le lendemain, l'homme, si je ne me trompe pas, il est revenu encore une fois, il recevait le même tour. Alors le sahabi, il est monté et il lui a coupé la tête. Et il lui a dit, regarde maintenant, est-ce que tu vas recoller ta propre tête. Et c'était pour essayer de montrer que cette personne-là, il faisait une fitna pour les gens. Et la punition pour le sahir, c'est qu'il soit exécuté. Et le cheikh il dit ça, il dit justement وَإِذَا وَصَفَ مَا يُكْفَرُ بِهِ اِسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا دُرِبَتْ عُنُقُهُ وَإِنْ وَصَفَ مَا لَيْسَ بِكُفْرٍ أَوْ تَكَلَّمَ بِمَا لَا يُفْهَمُ نُهِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ. Ici le cheikh il dit que si la personne quand on l'attrape, en train de faire de la magie, des choses comme ça, il décrit qu'est-ce qu'il fait avec des descriptions qui montrent que il dit des choses qui sont des choses de kufr, dans ce cas-là on va lui demander de se repentir et de faire tawba. S'il refuse de faire tawba, dans ce cas-là on frappe son cou, c'est-à-dire il sera exécuté selon la charia. Et il dit également que s'il décrit qu'est-ce qui n'est pas parmi les choses qui font partie du kufr, ou qu'il parle, il décrit des choses ou il dit des choses qui ne sont pas compréhensibles, on lui interdit de le faire. Et il sera, et s'il continue de le faire, il est puni par la suite. Et après il dit « وَإِنْ قَالَ السِّحْرُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَأَنَا أَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ وَجَبَ قَتْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَبَاحَ مَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِهِ » Et si le magicien ou ce sorcier il dit « Je crois que la magie n'est pas haram et je crois que c'est permis », eh bien il dit que c'est obligatoire de l'exécuter dans des cas pareils, parce qu'il a rendu halal ou mubah ce que les musulmans sont tous d'accord pour dire que c'est haram. Et donc c'est ça, le cheikh il mentionne, le cheikh Ibrahim al-Rahimi, il a dit que le verdict au sujet du magicien, c'était qu'il est kafir. D'accord? Et aussi, ça rentre là-dedans aussi, al-Kuhan, les gens qui prétendent qu'ils connaissent l'avenir, ou la bonne aventure. Par exemple, quelqu'un qui va te dire, par exemple, si tu veux savoir, est-ce que tu vas être heureux dans les affaires qui ont rapport avec ta relation avec ta femme, ou est-ce que si tu vas épouser cette femme, est-ce que tu vas être heureux avec elle, est-ce que tu vas être heureux dans les affaires économiques, est-ce que tu vas avoir du bonheur dans ce qui a rapport avec tous les aspects, le travail ou des choses comme ça, eh ben il y a des gens qui vont voir des voyants, ce qu'on appelle des voyants ou des médiums. Et qu'est-ce qui est étonnant de voir, c'est que souvent c'est des gens qui se disent musulmans qui font des choses pareilles. On trouve des annonces dans des journaux, dans des magazines, des gens qui s'appellent par exemple par des noms musulmans et qui se prétendent être des grands voyants, puis qu'ils peuvent par exemple donner l'avenir ou prédire l'avenir pour les gens. Et ça, il n'y a pas de doute que ça aussi, ça rentre dans les catégories de sihr et que ça fait partie des choses qui sont kufr également. Ok, comme on a déjà expliqué dans qu'est-ce qui a rapport avec le fait de prétendre connaître Al-Ghayb. Maintenant, on passe à un autre sujet. Le cheikh il parle de Adabu Ashab al-Hadith, c'est-à-dire le comportement et le caractère des gens du Hadith. Le cheikh il dit يحرم ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب والزبيب والتمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره ويحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويجيبون به الحد. الشيخ الذكر طعمي للبرنسيب دي caractéristiques ou les principes du comportement des gens du hadith, c'est que ils déclarent interdit ou ils déclarent que l'alcool ou les breuvages intoxicants ou tout ce qui est intoxicant c'est haram, que ce soit pris à partir des raisins ou des raisins secs ou des dattes ou du miel ou des graines de blé ou d'autres céréales. Tout ce qui peut être utilisé pour être fermenté puis être devenu, que ça se transforme en alcool, dans des cas comme ça, ça devient haram, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité. Et il s'en écarte, il s'en éloigne et il ordonne d'établir la punition pour celui qui a bu l'alcool. Et la punition pour celui qui a bu l'alcool, c'est les fouets, les coups de fouet, il y en a 40 coups de fouet, si je ne me trompe pas, c'est 40 coups de fouet pour celui qui a bu de l'alcool. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné, par exemple, il a dit « Ma askara kathiru fa qalilu haram » D'accord. Et c'est un hadith avec une isnad qui est hassan. Et il y a d'autres hadiths également qui mentionnent la preuve de l'interdiction des intoxicants. Et aussi, on pourrait même rajouter aujourd'hui que ce n'est pas uniquement l'alcool qui est interdite, mais également les drogues, toutes les formes de drogues, que ce soit le marijuana, la cocaïne, l'héroïne ou les autres drogues comme les nouvelles drogues qui sont apparues dernièrement, comme il y a des jeunes qui prennent des pilules ou des trucs comme ça, des pilules qui produisent des effets hallucinogènes ou des trucs comme ça, et ouais, des ecstasy, des choses comme ça. En tout cas, ces pilules-là, ça a un effet vraiment dévastateur sur le cerveau humain. Hein, et les effets que ça a sur le cerveau et sur le comportement et le caractère d'une personne sont plus graves que l'effet de l'alcool parfois, parce que ça joue avec des choses dans le cerveau et ça peut même créer des causes de, par exemple, de schizophrénie, puis des maladies psychologiques, vraiment des maladies graves. Allez. Tu vois que le comportement et l'attitude d'une personne, à la suite, après qu'il ait pris ces drogues-là, il devient une autre personne. Hein. Et donc, c'est pour cette raison-là que de prendre des drogues pareilles, hein, c'est quelque chose de plus dangereux encore que l'alcool, et c'est pour ça que c'est encore plus grave comme péché que de prendre l'alcool. Yani. Et les ulama ont parlé de ça dans leur livre, yani, pour mentionner le danger de des choses pareilles. Donc, il faut s'en écarter, puis combattre ces l'utilisation ou les gens qui utilisent ou qui vendent ces choses-là. Yani. Et c'est triste que même dans certains pays musulmans, on voit que il y a des productions, il y a une grande quantité de ces différentes drogues, et donc il faut que les musulmans coopèrent et s'entraident entre eux pour essayer de stopper ce fléau, s'ils sont capables de faire quelque chose pour l'arrêter ou de diminuer ça, c'est bon de faire quelque chose dans ce sens-là. Et donc c'est ça, même s'il faut comme dénoncer ceux qui le connaissent, qui vendent ces trucs-là ou qui les propagent autour d'eux. Et le chef, il veut en même temps, donc il veut en fait mettre certaines, l'importance sur certains points et des caractéristiques qui font partie non seulement des choses de Al-Aqidah, mais aussi qui font partie des choses qui ont rapport avec Al-Akhlaq, et aussi qui ont rapport avec Al-Suluk, et qui ont rapport aussi avec Al-Ibada. Et donc, c'est quoi les caractéristiques parmi ces choses-là qui caractérisent les gens qui suivent la voie d'Al-Sunnah wa Al-Jama'a? Parce que, bien entendu, c'est pas juste une question de Aqida, mais c'est aussi une question de comportement et d'attitude et d'Ibada et d'autres aspects de ce genre. Et comme les machins à Birmingham, ils ont expliqué aussi, ils ont mis beaucoup ils ont donné beaucoup d'importance à cet aspect-là. Ils ont donné beaucoup d'importance aussi sur la question de l'akhlaq et des choses de ce genre. Et ils ont dit, comme par exemple, des choses comme Salah ibn Ismail, je me souviens qu'il disait par exemple que l'aqidah, c'est bien, mashallah, c'est quelque chose que tu as dans ton cœur. Et par exemple ton ibada, c'est quelque chose que tu fais et c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est bien, mais qu'est-ce que les gens voient quand ils te regardent, qu'est-ce que les gens voient quand ils t'observent à l'extérieur? Ils ne voient pas ton aqidah, parce que ton aqidah c'est qu'est-ce que tu crois dans ton cœur. Et qu'est-ce qu'ils voient en ce qui concerne de tes ibadat? C'est bien ta prière, ton jeûne, tes choses, ça c'est par rapport à toi. C'est pas par rapport à qu'est-ce que tu fais avec les autres, ta façon d'agir avec les autres. Donc ils ont expliqué qu'il y a une grande importance dans notre akhlaq, dans notre interaction avec les autres autour de nous, comment on agit avec eux, comment on parle, comment on respecte le droit des autres et comment on agit bien avec eux, etc. Donc tout ça, ça fait partie aussi de notre voie, et l'exemple à suivre, c'est bien entendu là-dedans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui le meilleur exemple dans le comportement, dans l'attitude, dans le khuluq et toutes ces choses-là, et également les sahaba, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mieux, puis par la suite ceux qui ont suivi dans le meilleur exemple dans ce sens-là aussi. Donc hier on a parlé d'un exemple en ce qui concernait le fait que les gens d'Ahlus Sunnah wal Jama'a ont déclaré l'alcool haram, et que toutes ces catégories-là, ça rentre dans ce qui est haram, même si c'est pas nécessairement de l'alcool. Tout ce qui est intoxicant, comme la drogue aussi, etc., ça aussi ça rentre dans ce qui est considéré comme étant haram. Et ensuite le cheikh il continue. ويرون المسارعة ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرازا للأجور الحميلة بها والمثوبات. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ? Il explique que yani, les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils voient que ça fait partie de leurs caractéristiques qu'ils se dépêchent, hein, ils se précipitent vers le fait d'établir les salawats qui sont obligatoires et qui sont prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement ça, ils se dépêchent non seulement de les appliquer, mais ils essaient de les faire au début de leur temps. Au début du temps de chacune de ces prières. Et ils considèrent que de le faire au début de chaque prière, c'est meilleur que de la retarder. Ok? Parce que, yani, le chef il mentionne un hadith en bas, le muhaqiq, il dit « ذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ عَنْ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو يعني إماك سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب أو فت سكيلة الماضي للبروفيسور صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب وفي رواية أفضل إلى الله قال الصلاة على وقتها أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. دونك c'est que la meilleure chose, hein, il a demandé à Abdullah ibn Mas'ud, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laquelle des actions est la meilleure, ou est la plus, celle qui est préférée par Allah subhanahu wa ta'ala, et il a répondu que c'est de faire la salat en son temps. As-salatu fi waqtiha. Et les ulama ont expliqué que as-salatu fi waqtiha, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire la salat au début de son temps, quand il commence. Le temps de la prière rentre, alors tu l'as fait au début de son temps, ça c'est ce qui est meilleur. Donc si c'est le cas pour celui qui fait la prière au début de son temps, c'est meilleur pour lui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de celui par exemple qui retarde les prières, non seulement qu'il ne la fait pas dans son temps, mais il la fait à la fin, c'est-à-dire après même que le temps de la prière soit terminé. C'est-à-dire il laisse que le temps de la prière soit sorti complètement, puis il la fait. Ou bien, comme certains musulmans par exemple, qui réunissent toutes les cinq prières qu'ils font le soir en rentrant à la maison après avoir fini le travail, et qui s'imaginent que ça c'est correct. Il n'y a pas de doute que ça c'est contraire à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de faire les prières chacune d'elles dans son temps qui a été prescrit. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » Donc les prières ont été établies et déterminées par Allah subhanahu wa ta'ala dans des temps spécifiques, pas à n'importe quelle heure, pas quand nous on décide de le faire, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé de le faire. Et donc ça c'est très important de comprendre ça. Et il y a une sagesse dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait déterminé que les prières soient délimitées par des périodes et par des intervalles bien précis qui sont déterminés par la position du soleil dans le ciel. Et c'est parce que l'être humain, à travers la journée, il a besoin toujours de rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, pour garder un lien, et pour toujours se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, aqimus salat li dhikri. Aqimus salat li dhikri. Donc tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala en établissant la salat à différents moments de la journée. Et c'est pour ça que tu restes toujours conscient d'Allah subhanahu wa ta'ala à différents moments, hein. Donc si la personne elle prend toutes ses prières et elle les fait toutes en même temps, d'un seul coup à la fin de la journée, c'est comme si elle a fait juste une seule prière, et elle se rappelle d'Allah juste à ce moment-là, alors que les autres moments de la journée, elle a négligé l'obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala de se rappeler de lui et d'établir son rappel et de l'adorer comme il l'a demandé. Donc ça c'est pas correct, et en même temps c'est comme si quelqu'un mettait la religion comme une chose de secondaire dans sa vie, hein, pas comme une priorité. C'est pas comme si Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc c'est pour l'adorer que Allah t'a créé sur terre. Et toi, au lieu de l'adorer, tu te préoccupes uniquement des affaires qui ont rapport avec la dunya. Et si Allah te demande de prendre 5 minutes ou 10 minutes pour l'adorer à différents moments de la journée, toi tu mets ça de côté, tu dis non, moi je préfère travailler pour la dunya seulement. Hein. Et je ferai je m'occuperai du but de ma création ou du but de mon existence plus tard après. Je vais me préoccuper des choses secondaires. Mais le but de ma création, pourquoi j'ai été créé par Allah, pour l'adorer, ça je vais le faire plus tard après quand j'aurai fini mes autres occupations. Comme si tu négliges et tu donnes à l'adoration d'Allah SWT une place vraiment négligeable et vraiment peu importante. Et ça, c'est pas l'attitude du mu'min. D'accord? Donc, établir le salawat dans leur temps, ça c'est une priorité et c'est une des choses les plus importantes. Hein? C'est pas pour rien que le deuxième pilier, après avoir témoigné de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, c'est d'établir les cinq prières dans son temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première chose qui va être disparue des obligations de l'islam, c'est la salat. Attends, c'est la dernière chose qui va disparaître les adorations de l'islam, c'est la salat. Et la première chose qui va disparaître, c'est, si je me souviens bien, c'est al-amana. Hein? Donc, il faut donc préserver les salawat et les garder comme il faut. Non. Après, qu'est-ce qu'il dit? Le chef, il dit, que c'est le mieux, c'est de les faire au début du temps. Si tu l'as fait un peu après, mais toujours dans son temps, c'est quand même accepté. Mais le mieux, c'est de la faire aussitôt que l'État rentre, tu l'as fait le plus tôt possible. Après le cheikh dit, وَيُجِبُونَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيُجِبُونَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ. Et ils ordonnent de lire la surat al-Fatiha derrière l'imam. Ok. Et ça c'est une question sur laquelle il y a une différence d'opinion entre les ulama en ce qui concerne la prière qu'on lit à haute voix. Est-ce qu'on la récite en même temps à voix basse ou est-ce qu'on fait juste écouter la récitation de l'imam lorsqu'il récite Al-Fatiha ou non? Et il y a des différences d'opinion là-dessus entre les ulama. Il y a des ulama qui ont dit tu la récites. Et d'autres qui ont dit tu la récites pas, tu fais juste écouter l'imam qui récite. Et il y en a d'autres ulama qui ont dit si c'est une prière à voix basse, tu récites, si c'est une prière à voix haute, tu récites pas. C'est-à-dire si l'imam récite à voix haute, tu récites pas. Mais il y a d'autres ulama qui ont expliqué pour essayer de rassembler ou réunir, disons, les deux hadiths qui parlent de ce sujet-là, ce qui est un hadith qui mentionne de ne pas réciter lorsque l'imam récite et d'écouter. Et il y a un autre hadith qui mentionne que celui qui n'a pas récité la Fatiha, il n'a pas de prière. La salat al-imam lam yaqra bi fatihat al-kitab ou bi umm al-kitab. Donc les ulama, il y en a qui ont dit qu'est-ce que tu fais? Tu récites après. Quand l'imam a récité la Fatiha, il y a un silence entre la Fatiha et l'autre surah qui commence. Alors, tu profites de cet espace-là pour réciter le Fatiha pour toi-même, à voix basse. Il y en a d'autres ulama qui ont dit, tu récites entre les silences après chaque ayah. Hein, comme si l'imam dit, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, et bien toi, pendant l'espace entre les deux ayahs, et bien toi, tu récites, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, en toi-même, à voix basse. D'accord? Et ça, c'est une position que certains chouïrs ont supporté, puis ça réunit en fait entre les opinions, puis ça, il semble que ça règle la question, en fait ça règle le problème. Et bon, moi je trouve que c'est une position quand même qui est assez solide, et c'est celle que j'ai étudiée quand on était à Médine à l'université. Notre professeur, il nous avait fait le tarjih de cette position. Donc moi c'est ce que je pratique personnellement, donc je trouve que c'est celle qui est en accord avec tous les adillas qui ont été mentionnés à ce sujet-là. Wallahu a'lam. Après le cheikh dit « وَيَأْمُرُونَ بِإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَتْمًا وَاجِبًا وَيَعُدُّونَ إِتْمَامَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِطَمَأْنِينَةٍ فِيهِمَا وَالْإِرْتِفَاعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالْإِنْتِصَابِ مِنْهُ والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين ومطمئنين فيه من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. Donc là, le cheikh est en train d'expliquer les principes de la prière. Et que, en fait, pourquoi il le met dans ces principes-là dans l'aqidah ou dans les principes de l'aqidah des salafs? C'est parce qu'en fait, même à l'époque des salafs, ils reconnaissaient un alim par sa prière. Quand un cheikh il venait d'une autre ville, par exemple, ou un des imams de Ahl-Sunnah, et quand il arrivait dans une ville, qu'est-ce qu'il faisait les tulab al-ilm et les ulama? Il l'observait dans sa prière. Et il savait par sa prière, et allait, si il était une personne qui était sur la sunna ou non. Parce que ça, la prière d'une personne, ça te dit beaucoup. Ça te dit beaucoup sur sa façon dont il adhère à la sunna. Donc tu vas voir par exemple, dans le livre du Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, rahimahullah, il y a la mention des athars et des hadiths qui se rapportent à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam tel qu'il la faisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu, priez. Maintenant quand tu rentres dans les mosquées, tu regardes les musulmans lorsqu'ils font la salat, tu réalises qu'ils ne font pas la salat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Souvent ils font une prière vraiment, quand tu la compares à celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée, tu te dis subhanallah, c'est comme s'ils ne font pas la même prière que celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire. Donc tu vois beaucoup de négligence. C'est pour ça que le cheikh il dit que les gens de Ahlul Hadith, ils ordonnent de faire le recours complètement, hein, de faire le recours comme il faut. 90 degrés, ton dos doit être bien établi, aller dans le recours, pas presque debout comme certains, ils se penchent presque pas, et il y en a d'autres qui se penchent tellement trop bas que, et allez, on dirait qu'ils ont le dos allez, penché vers le sol. Donc ça c'est quelque chose qui est, c'est l'exagération dans les deux cas, hein, et donc le chef il dit de faire le recours comme il faut. Il y en a qui font tellement le recours rapidement, c'est presque comme s'ils ne faisaient même pas le recours. Ils descendent quelques secondes puis ils se relèvent tout de suite. Donc ça c'est incorrect, et de faire le recours comme ça, il faut vraiment prendre son temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a enseigné à la personne qui ne savait pas faire la salat, quand il lui a montré comment faire la salat, il lui a dit de faire le recours « hatta tatma'inna raki'an » et en chaque mouvement il lui a ordonné d'avoir « attama'nina » et « attama'nina » c'est quoi? C'est d'avoir le calme et la sérénité et d'être en paix. Il ne faut pas se précipiter. Quand tu fais ton recours, prends ton temps, hein, reste dans cette position-là jusqu'à ce que tu te sens en paix dans cette position, puis tu récites le dhikr qu'il faut réciter, hein, comme il faut, en prenant ton temps, parce que ce n'est pas une course, la prière. Il faut que tu prennes ton temps dedans pour bien te concentrer, bien méditer, et être conscient que tu es en train de faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et la même chose pour le sujoud, le cheikh il mentionne le sujoud. Et donc ça c'est obligatoire. Ensuite, après le sujoud, le cheikh il dit que il faut qu'il y ait la tamanina dans les deux, dans le sujoud. Faut pas faire le sujoud rapide comme certains là, on dirait un coq qui mange des graines par terre, comme le cheikh l'a comparé, il y a un hadith qui parle de ça aussi. Hein, tu le fais tellement vite, c'est comme tu piques rien, hein, des quelques graines par terre, deux petits coups puis tu te relèves. Ça c'est pas la sajda que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il y en a des fois dans les livres de hadith, tu vois que il y a les sahaba qui décrivent le sujoud du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba ils disaient tellement des fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait longtemps dans le sujoud, on avait l'impression qu'il avait oublié de se relever, hein. Donc c'est des exemples. Et wal-irtifa' min al-ruku' wal-intisab minhu. Donc il faut, quand tu te relèves du recours également, tu te mets debout et tu restes debout un bon moment, le temps que tu puisses réciter le dhikr et que tu te sens en sérénité encore, quand tu es debout. C'est pas juste automatiquement, tu te relèves du recours, tu dis Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, et là tu restes comme, tu restes pas, tu fais juste automatiquement, tu te lèves debout, oups, tout de suite sujoud, comme certaines personnes font dans la salade. Ils prennent même pas le temps de rester le dos droit pendant quelques secondes pour vraiment sentir qu'ils ont la paix et en même temps pour réciter le zikr, hein, et le doigt que le prophète sallam nous a enseigné de réciter comme il faut. Donc il faut prendre son temps dans la prière pour vraiment être conscient de qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de le faire. Et la même chose quand tu te relèves du sujoud, entre les deux sujoud, tu vas pas tout de suite te rebaisser tout de suite pour faire le sujoud, tu restes un petit peu, hein, dans cette position-là, tu prends ton temps. والجلوس بين السجدتين لا même chose. Donc il faut الطمأنينة, et que الطمأنينة c'est une condition dans la salat, hein, et ça fait partie, le cheikh dit, ça fait partie des piliers de la salat, et que la prière ne peut pas être valable sans que tu l'aies fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ça dans le hadith ثم فعل ذلك في صلاتك كلها, il y avait de faire ça dans tout le long de sa prière. D'accord? Ça, c'est des choses, des fois, on néglige. C'est pour ça que les gens, par la suite, ils se demandent, comment ça se fait, je fais ma salat, mais je sens pas qu'elle a un effet sur moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle t'interdit de faire les péchés et le mal. Et donc, il y a des gens, ils font la salat et ils ont l'impression que ça change rien dans leur vie. Et il y a beaucoup de gens, des musulmans, tu les vois, ils font des contradictions, ils contredisent la sunna, ils font des choses interdites dans l'islam, et ils vivent comme ça, jour après jour. Et ils font les cinq prières à la mosquée, hein, et tu te dis, subhanallah, comment ça se fait, ces gens-là, cette prière-là, on dirait qu'elle n'a pas aucun effet sur eux, parce qu'ils ne changent jamais. Ils restent toujours la même chose, toute leur vie, ils restent dans la même état, dans la même situation. Tels qu'ils étaient il y a 20 ou 30 ans, ils sont encore dans le même état aujourd'hui. La seule différence, c'est que leur barbe commence à devenir grise, s'ils ont une barbe. Hein? Donc, ça c'est triste, ça c'est triste. Hein? Donc, il faut que les musulmans, ils essaient toujours d'évoluer et d'avancer dans sa pratique de l'islam, année après année. Regarde-toi aujourd'hui, par rapport à l'année passée, est-ce que tu t'es amélioré? Ou est-ce que tu es au même niveau? Et mets-toi dans la balance. Hein? Si tu vois que tu es encore au même niveau que l'année passée, là il y a un problème. Essaie d'avancer. À chaque fois, mets-toi en question. Mets-toi en question, puis analyse-toi toi-même pour dire est-ce que j'avance ou bien est-ce que je recule. Et il y a des ulama qui ont dit, si tu n'avances pas, ça veut dire que tu recules automatiquement. Hein? C'est vrai. Il y a des ulama qui ont dit, si tu n'avances pas, tu recules, comme le cheikh Ibn Uthaymeen, il disait ça une fois, rahimahullah, et il s'est basé sur un verset qui dit, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ. C'est-à-dire que soit que tu avances, ou que tu recules, tu ne peux pas rester au même niveau. C'est incroyable, hein. Donc, subhanallah, Allah nous ta'ala. Après le cheikh, il dit par la suite, وَيَتَوَاصَوْنَ بِقِيَامِ بقيام الليل للصلاة بعد المنام. نعم il incite les gens et il s'encourage ou il se donne le conseil de faire la prière durant la nuit après avoir dormi. Ça c'est quelque chose, Allah al-Musta'an, souvent on néglige ça, la prière la nuit, c'est comme si yani, on se couche tellement tard des fois qu'on pense même pas à pouvoir se lever la nuit. Alors que la sunna, en principe, c'est de dormir après l'isha, tout de suite après l'isha, mais on a pris de mauvaises habitudes parfois de durer très tard après l'isha, parfois on veille, puis tellement qu'on est fatigué par la suite, on dort la nuit, on dort toute la nuit, on ne pense pas à se lever, au moins pour faire deux rak'at à la fin de la nuit, avant le fajr, avant le lever de l'aube, ou bien même des fois il y en a qui dorment, passer la prière de Subh. Donc ça montre un fait, le fait qu'on a négligé cet aspect-là. Le cheikh il dit, وَبِسِلَةِ الْأَرْحَامِ عَلَى اخْتِلَافِ الْحَالَاتِ. yani de garder les liens de parenté, garder nos liens avec la famille, ça c'est important aussi. Et puis de nos jours, il y a tellement de raisons pourquoi les gens coupent les liens de leur parenté, pour toutes sortes de raisons futiles, des questions d'argent, des questions de jalousie, des problèmes entre les frères, les sœurs, les tantes, les oncles et tout. Ça c'est quelque chose qui amène à couper les liens de la parenté, et ça c'est un des kaba'ir, parmi les kaba'ir, ça fait partie des grands péchés. Ifsha al-salam, ifsha al-salam, ça aussi ça fait partie des caractéristiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, « La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu, ou wa lan tu'minu hatta tahabu, ou tatahabu. » ألا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم c'est-à-dire vous allez pas être croyant vous allez pas entrer au paradis tant que vous n'ayez pas eu la foi que vous n'ayez pas cru et vous allez pas être des croyants vous allez pas croire jusqu'à ce que vous allez vous aimer entre vous et après, il a dit, est-ce que vous voulez que je vous montre quelque chose, ou que je vous indique quelque chose, que si vous le faites, vous allez vous aimer, dites-vous le salam entre vous. Et parmi les signes du jugement dernier, c'est que les musulmans, ils vont juste donner le salam aux gens qu'ils connaissent. On voit déjà ça maintenant. Tu passes devant des musulmans dans la rue, ils te disent pas salam. C'est pas correct, donc dans la sunna, les gens dans la sunna, ils incitent à faire vivre cet exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de donner le salam autour de nous. Ça c'est très important. Wa it'am al-ta'am, de nourrir, inviter les gens de leur donner de la nourriture quand on a des occasions comme par exemple l'aqiqa ou bien l'walima ou des trucs comme ça, ou bien quand on invite des gens juste comme ça, aussi pour partager avec eux de la nourriture, les inviter à manger avec nous, etc. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahma ala al-fuqara wal-masakin wal-aytam wal-ihtimam bi-umuri al-muslimin. Le Cheikh il dit d'avoir de la miséricorde pour les pauvres et les nécessiteux parmi les musulmans et les orphelins et de se préoccuper du cas ou des situations des musulmans et de leurs affaires, d'avoir de l'intérêt pour qu'est-ce qui les afflige et les problèmes qu'ils ont. Et c'est pas dans l'islam, il n'y a pas de place pour l'individualisme et puis l'égoïsme et l'égocentrisme. Tu penses juste à toi. Moi. Et puis le cas des autres, ou qu'est-ce qui arrive aux autres, ça t'intéresse pas. Et ça, c'est contraire au principe de l'islam. Après, le cheikh, il dit, وَالتَّعَفُّفْ فِي الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ وَالْمَنْكَحِ donc, وَالْمَصْرَفِ وَالسَّعِي فِي الْخَيْرَاتِ. Donc, tu dois faire preuve de تَعَفُّفْ. Comment je pourrais traduire ta'afouf? C'est comme si, tu fais preuve de, ta'afouf, c'est comme si pour dire, premièrement, tu vas être satisfait, disons, d'une certaine façon, tu vas faire preuve comme si tu es satisfait de ce que tu possèdes. Tu n'exagères pas dans l'extravagance, ou essayer d'avoir plus que qu'est-ce que tu peux vraiment te permettre d'avoir. Il y a des gens comme ça, ils sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ils veulent avoir plus. Ils veulent vivre parfois au-dessus de leurs moyens. Et ils se mettent à emprunter. Et ils ajoutent avec les cartes de crédit, par exemple. Ils achètent plein de trucs qu'ils n'ont même pas besoin. Ils s'endettent. Après, il y a le riba qui se rajoute à ça. Là, ils peuvent pas payer. Toujours plein de problèmes qui mènent à ça parce qu'ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens. D'accord? Donc, Yani, tu peux pas t'acheter le plus gros modèle de voiture, achète un modèle moins cher, mais qui fonctionne bien quand même, t'as pas de problème. C'est sûr que c'est moins extravagant, mais au moins ça te permet de faire ce que t'as besoin. Tu peux pas acheter, tu peux pas avoir le plus beau appart dans le plus beau quartier, mais tu peux te permettre ce qui est suffisant pour toi, et ça, ça suffit, yani. Hein, donc il faut pas dépasser les limites et tomber dans yani, l'extravagance que tu vis au-dessus de tes moyens, yani. Dans tes vêtements, hein, tu veux tous les vêtements des grosses marques, hein, puis le style, le luxe et tout. Non, il faut être modeste en même temps, puis se satisfaire de qu'est-ce que tu es capable de te permettre. Bon, si tu as les moyens de te permettre le luxe et de te permettre les belles choses, il n'y a pas de problème pour l'acheter. Tant que tu ne te mets pas dans l'embarras, puis dans la difficulté, hein, pour ça, puis tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala pour les ni'am qu'il te donne, si tu as les moyens de les avoir, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Et en même temps, tant que ce n'est pas pour t'élever au-dessus des autres, parmi tes frères, pour montrer, moi je suis, j'ai quelque chose, puis tu les méprises parce que eux ils n'ont pas les moyens, ça c'est pas non plus correct. Et la même chose en ce qui concerne de, donc il faut faire preuve de ta'affur dans ces choses-là et de faire des efforts pour aller vers le bien. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ça fait partie des caractéristiques également d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Tout ce qui est ma'ruf. Le ma'ruf c'est quoi? Le ma'ruf c'est tout ce qui est ordonné ou recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est bon. Ça rentre dans le ma'ruf. Et le munkar c'est tout ce qui est interdit ou déconseillé par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc toutes ces choses-là tu les interdis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plusieurs hadiths et dans le Coran on voit les descriptions des mu'minines, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر et ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle les autres au bien, qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Et il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala également dans le Coran parmi les caractéristiques de Bani Israël, des Juifs, yani, que yani, ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient, et que les prophètes, et qu'ils ont été maudits par la langue des prophètes. Hein? Ils ont été maudits par la langue des prophètes. لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. Donc les juifs parmi les kuffars parmi les juifs, ils ont été maudits par la langue de Daoud et de Jésus fils de Marie, Isa alayhi salam, parce qu'ils ont désobéi et ils transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas de faire le mal entre eux. S'ils faisaient quelque chose de haram entre eux, ils ne se disaient pas « Arrête mon frère, ça c'est haram ». Ils se laissaient les uns les autres faire le haram. Ça laisse-le, c'est chacun pour soi, hein, c'est-à-dire l'autre fait ce qu'il veut, et l'autre il fait ce qu'il veut, et l'autre il fait ce qu'il veut, et l'autre il fait ce qu'il veut, et l'autre sa femme elle fait ce qu'elle veut, et l'autre sa soeur elle fait ce qu'elle veut, et personne ne dit rien, personne ne dit « Ah, ça c'est haram ». Personne dit « Ah ça, t'as pas le droit de faire ça mon frère, ça c'est pas bon ». Eh bien, après qu'est-ce qui arrive? Ils sont maudits, hein, par la langue des prophètes, à cause de ça. Et al-la'na, al-la'na c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Ça veut dire al-iz'ad, al-rahmatillah. Que tu es éloigné ou repoussé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qui arrive quand tu fais des péchés et quand tout le monde commence à faire des péchés, que ça commence à se répandre dans la société et que personne ne s'interdit le mal par la suite. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ra'a minkum munkaran, fa yughayyirhu bi yadihi. » فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Celui d'entre vous qui voit un mal, alors il faut qu'il l'arrête, qu'il le change par sa main. S'il n'est pas capable de le changer par sa main, parce qu'il n'a pas l'autorité, ou qu'il n'a pas la capacité de le faire, alors il le change avec sa langue, il parle, il donne le conseil. Hein. Et s'il n'est pas capable, alors il le change avec son cœur, c'est-à-dire il déteste ce mal. Il espère, il souhaite pouvoir le changer plus tard, ou de le changer s'il avait la capacité. Avec le cœur, c'est l'intention, et aussi la colère et la haine de ce péché. Et ça, c'est le minimum de la foi. Celui qui n'a pas ça avec son cœur, dans son cœur, quand il voit le péché, ça ne le met pas en colère, il ne le déteste pas, il a un problème avec sa foi. Donc, ça, c'est important de bien comprendre ça. Et bien entendu, pour faire l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, il y a des conditions. Il faut que la personne qui fasse ça, il faut qu'elle ait du ilm. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il faut que la personne qui ordonne le bien et qui interdit le mal aux autres, elle ait le ilm. Parce que si tu n'as pas d'ilm, tu risques de commencer à ordonner qu'est-ce qui est munkar sans le savoir, ou d'interdire ce qui est ma'ruf, d'interdire ce qui est bien sans le savoir. Et donc, il faut bien être certain de ce que tu fais lorsque tu veux ordonner le bien ou interdire le mal, de bien étudier la question avant, d'être certain de ce que tu dis. Pas juste « ah, je pense » ou « si » ou « ça », non. Avec preuve et clarté et certitude et connaissance. Ensuite, il faut que tu aies également de la sagesse, chikma. Tu ne vas pas dire les choses aux gens n'importe comment. Pour qu'ils puissent accepter ce que tu leur dis, il faut leur dire d'une façon avec sagesse. Et tu ne vas pas interdire un mal si tu penses que ça va amener quelque chose de plus mal. Hein? Tu penses que ça va créer des conséquences qui vont être encore plus graves ou plus négatives que celles que tu veux changer. La même chose si tu veux par exemple ordonner le bien, mais tu vas regarder est-ce qu'il n'y a pas un bien qui est installé. Des fois tu dis « ah, je vais lui ordonner de faire quelque chose de bien ». Et puis il y en a des fois tu ne regardes pas par exemple que en fait il y a toujours la règle que les ulama citent dans ces sujets-là, c'est « dar al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih », c'est-à-dire d'éloigner un mal, ça prend précédence ça a plus d'importance que, ou ça a précédence sur le fait d'amener un bien. Donc, si tu vois que tu peux éliminer un mal, c'est plus important que d'amener quelque chose de bien. Et dans certains contextes, tu vois que deux choses sont bonnes, mais il y en a une qui est plus bonne que l'autre. Donc, tu passes celle qui est plus meilleure par-dessus celle qui est moins bonne. Ou bien si tu vois deux choses qui sont haram, tu as le choix entre deux choses qui sont haram ou qui sont mauvaises. Mais si tu es capable d'éliminer celle qui est plus haram que l'autre, donc tu peux passer celle qui est moins haram avant, hein, dans des cas comme ça. Donc il y a beaucoup d'exemples de ce style-là. Et aussi il faut avoir un lien, la douceur quand tu ordonnes le bien et quand tu interdis le mal. Parce que si tu as trop de dureté et que si tu arrives aux gens avec... une attitude qui est vraiment méchante et dure, pour les faire sentir mal, pour les mépriser, pour leur faire sentir que tu es supérieur à eux, ils ne vont pas accepter de toi qu'est-ce que tu leur dis. Donc il faut avoir de la douceur, et quand tu ordonnes le bien et quand tu interdis le mal, avant tout c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour toi-même, c'est pas pour te montrer toi-même, c'est pour que la personne se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigne de son châtiment, donc c'est pour son bien. Donc tu dois le faire comprendre que et lui faire sentir que c'est pour son bien qu'est-ce que tu fais. Hein? Comme quand par exemple tu vois quelqu'un qui est blessé ou qui a une maladie, tu t'en vas pour le soigner, pour lui donner un soulagement. Hein? Donc tu vois que la personne souffre, elle est malade, tu vas l'aider pour qu'elle se sente mieux. Eh bien, la personne qui a des péchés ou qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Et bien c'est la même chose pour elle aussi. Elle a besoin de ton aide, elle a besoin de tes traitements, mais des fois elle n'est pas consciente qu'elle est malade. Donc il faut beaucoup de sagesse pour être capable de lui faire comprendre ces choses-là. Qu'est-ce qu'il dit ensuite à Cheikh Ibn Taymiyyah? Parce que en ce qui concerne l'amr bil ma'ruf et nahy an al munkar, eh bien, là, parmi les exemples qu'on trouve, par exemple, parmi les gens de Beda ou les gens de Balal, ou bien même des fois les gens de parmi les munafiqin, c'est qu'ils appellent au munkar et qu'ils interdisent al ma'ruf. Allah dit ça dans le Coran, wal munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhawna 'anil ma'ruf. Aujourd'hui, c'est ça ce que tu retrouves souvent dans les gens d'aujourd'hui. Ils ordonnent le munkar et ils interdisent le ma'ruf. Tout ce qui est mauvais, tu vois, ils l'encouragent. Peu importe, ils voient quelque chose. Depuis que c'est contraire à l'islam, ah oui, on va le faire, on va l'encourager. Et s'ils trouvent quelque chose qui est en accord avec l'islam ou qui est bien dans l'islam, non, on va l'interdire. On va trouver un moyen pour le stopper, pour mettre des bâtons dans les roues à ceux qui veulent le faire. Et donc, ça c'est des caractéristiques des munafiqin. Allah musta'an. Après le cheikh il dit وَالْبَدَارُ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ أَجْمَعَ وَاتِّقَاءُ شَرِّ عَاقِبَةِ الطَّمْعِ وَيَتَوَاصَوْنَ بِالْحَقِّ وَبِالصَّبْرِ وَيَتَحَابُّونَ فِي الدِّينِ وَيَتَبَاغَضُونَ فِيهِ. Donc, il dit parmi leurs caractéristiques aussi, c'est qu'ils font des efforts dans le bien pour arriver à ce qui est bien. Et ils ont, ça on l'a dit, et c'est comme s'ils font la course vers tout ce qui est bien. Hein? Comme les gens aujourd'hui font la course vers la dunya, mais ceux-là ils font la course vers tout ce qui est hasanat, tout ce qui peut t'amener vers le paradis. Hein? C'est ça que ça veut dire. Et ils craignent les mauvaises conséquences de désirer des choses qui sont pas toujours bonnes pour nous, de courir après la vie, la dunya, des choses comme ça. وَيَتَوَاصَوْنَ بِالْحَقِّ وَبِالصَّبْرِ. Ils s'encouragent dans la vérité et dans l'endurance et dans la patience. وَيَتَحَابُّونَ فِي الدِّينِ وَيَتَبَارَدُونَ فِيهِ. Ça c'est une des plus importantes aussi parmi leurs caractéristiques. Ils s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala et se détestent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se détestent pas pour des affaires de personnelles ou pour la dunya. Ils se détestent parce que quelqu'un a désobéi à Allah ou a amené une bid'a ou a dit des paroles contraires à la foi ou des choses comme ça. Et ils s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour un intérêt matériel, des trucs de la dunya, des choses comme ça. Non, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la religion. Pas parce qu'ils sont du même pays, ou parce qu'ils parlent la même langue, ou parce qu'ils ont la même couleur, ou des trucs de ce genre. Mais parce qu'ils s'aiment en Allah, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils croient en Allah, parce qu'ils aiment la sunna, parce qu'ils pratiquent la sunna. Ça c'est très important aussi. ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويتجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. Ça c'est un principe qu'on retrouve dans tous les paroles des salaf salih. Quand ils parlent du manhaj de Ahl al-Sunnah et de la aqida des salaf, ils mentionnent toujours ces caractéristiques-là, c'est que les salaf ils détestent الجدال في الله. Ils détestent les argumentations et les débats et les disputes dans les questions de croyance et dans les questions de foi. Donc ils détestent disputer avec ces gens-là à propos d'Allah, à propos de la foi et à propos de Al-Qadar ou à propos de d'autres parmi ces sujets-là. Et ils détestent également se disputer dans la religion et faire des débats ou des dispute en ce qui concerne les questions religieuses. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup, surtout avec l'Internet maintenant, et les gens qui rentrent dans des forums, et il y a toutes sortes de débats, tu vois, dans des genres de forums et tout ça, dans les chat rooms, dans les sites, même dans le Paltalk par exemple, il y a toujours une salle qu'un Moubtadi, il ouvre une salle, que ce soit un Shi'i ou un Habashi ou un Soufi, et là tu vois, il y a des gens qui rentrent, ils commencent à vouloir débattre avec eux, faut dire ça, faut dire ça. Des fois c'est des takfiriyin, et des fois c'est des gens qui ont dit toutes sortes de bédas, et ils commencent à débattre avec eux pour essayer de les convaincre, soit dit ça, et donc ils font plus de fitna en fait que de bien. Et la méthode des ulama, tu veux pas qu'ils commencent à rentrer dans des débats avec ces gens-là, jamais. Ils vont plutôt enseigner aux musulmans l'aqidah et le haqq, et ils réfutent les gens de bid'ah en présentant les preuves et les arguments pour leur faire comprendre. Mais ils vont pas rentrer directement dans un argument, dans une argumentation ou dans un débat avec eux. Excepté si c'est, s'ils n'ont pas le choix. Excepté s'ils n'ont pas le choix, et qu'ils sont vraiment bien armés de ilm et de connaissances pour être capables de nous affronter. Mais sinon ils ne vont jamais entrer dans ces genres de choses-là. C'est pour ça que je vous conseille en même temps à ce sujet-là d'éviter ces genres de choses-là et de vous en écarter le plus possible parce que c'est très dangereux en fait. Si vous plaidez et vous voulez lui faire comprendre des principes, vous n'avez pas besoin d'argumenter avec lui. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui donner un livre ou une cassette d'un alim qui répond à ses idées. Et lui, s'il est sincère, il va l'écouter, il va être guidé par la suite. Mais de rentrer, vous, avec eux, dans des discussions et dans des argumentations, si vous voyez que la personne ne veut pas écouter, qu'il veut juste essayer de convaincre ou essayer de défendre ses idées personnelles, eh bien, dans ce cas-là, vous le laissez. Parce que le haqq, c'est le haqq. La vérité, c'est la vérité, elle ne va pas changer. Elle ne va pas changer parce que lui, il parle ou parce que toi, tu parles. Alors, c'est pour ça qu'il faut juste revenir à la vérité et la suivre, c'est tout. Et les gens de Ahl Sunnah, comme le Cheikh il dit, ils s'écartent des gens de Bid'ah et des gens de l'égard. Ils ne restent pas avec eux, ils n'aiment pas rester avec eux. Okay? Les gens qui amènent des Bid'ah et qui contredisent la Sunnah et qui s'opposent au Hadith et au Coran, ils n'aiment pas rester avec ces gens-là. Ils s'en écartent d'eux. Et ils s'opposent à eux et ils ne les aiment pas. Ils n'aiment pas les gens de Bid'ah et les gens de l'égarement et qui appellent à l'égarement. D'accord? Ça fait partie de leurs caractéristiques. Et même parfois, les ulama des salaf, ils disaient, tu peux reconnaître quelqu'un par ses affiliations, regarde. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, oui, moi, je suis sur la sunna. Je suis sur la sunna. Et puis quand ils restent avec des gens, quand ils parlent, ils restent juste avec les Moubtadi'a. Et ils défendent les Moubtadi'a, ils restent avec eux tout le temps. Donc, les ulama ont dit, il peut nous cacher sa bid'a, mais il ne peut pas nous cacher son affiliation. Parce que tu vois qu'il est toujours avec eux. Il y a un problème. Après, le chef dit, وَيَقْتَدُونَ بِالنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَبِأَصْحَابِ الَّذِينَ هُمْ كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَوْا اِهْتَدَوْا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. Cette parole-là ici, c'est basé sur une chose qui est attribuée au prophète صلى الله عليه وسلم, mais c'est pas authentique par contre. Non. Même que ici il mentionne, il est da'if jiddan, donc c'est très faible. Et même Maudou, d'après ce que je vois. Et si vous retournez à l'introduction du livre, Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, par le Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, dans l'introduction de son livre, il répond à ceux qui obligent aux musulmans de suivre aveuglément un madhab, parmi les quatre madhab, et il répond à ceux qui utilisent cette parole-là parmi ces gens-là, qui essaient de mentionner ça comme étant une preuve, alors que ce n'est pas un hadith authentique. Et qu'est-ce que ça dit, hein, juste pour que vous sachiez la signification, c'est... le cheikh il dit quoi? Il dit, et il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il se base aussi sur l'exemple des sahaba. Ça c'est vrai, cette partie-là, il n'y a pas de problème avec elle, qu'on se base sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, ça c'est la vérité, on le suit, et on doit prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba comme des exemples. Toutefois, qu'est-ce qu'il dit par la suite? C'est ça qui est problématique ou qui est pas nécessairement vrai, c'est qu'ils sont comme, il dit que les sahaba sont comme des étoiles, et peu importe laquelle d'entre elles tu suis, eh ben, tu seras guidé, hein. Et ça, il l'attribue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, c'est pas authentique. Et, c'est pas vrai que tu peux juste suivre n'importe quel des sahaba et que tu seras guidé. Parce que le sahabi, il n'est pas infaillible en lui-même. Il peut se tromper. Il peut faire une erreur. Donc, tu peux pas suivre, l'exemple d'un sahabi dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, hein. Non. Ah oui. Ah, ok. Ok, ok, ok, ok, ok. Subhanallah, subhanallah. Allah l'instant. Donc c'est ça, le frère Khaled, il dit que ils utilisent, parfois même les chiens utilisent ce hadith alors qu'il est daïf, mais ils l'utilisent pour essayer de justifier le fait qu'ils suivent juste trois ou quatre sahaba. Donc ils disent, nous on suit un ou deux sahaba ou trois sahaba, donc c'est suffisant pour nous, parce que on peut les suivre, sont comme des étoiles, et si on en a suivi un, on va être guidé. Mais comme les ulama ont expliqué, c'est pas nécessairement un fait. Et non, ben c'est ça. Mais le problème dans ça, c'est que parfois les sahaba, il y en a parmi eux qui ont fait des erreurs entre eux, puis ils se sont fait corriger par d'autres sahaba. Hein? Quand par exemple, je sais pas moi, il y a un sahabi, Abdullah ibn Abbas, il répondait à ceux qui voulaient suivre Abu Bakr et Omar en ce qui concerne les questions du Hajj. Il voulait faire, je pense, Ifrad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait incité les gens à faire le Hajj Tamattu. Et Ibn Abbas, il disait aux gens, faites le Hajj Tamattu. Et, la personne lui répondait, par exemple, oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit telle ou telle chose. Alors, Ibn Abbas, il répond, il dit, Subhanallah, je vous dis, qala Rasulullah, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar, comme si tu veux mettre la parole d'Abu Bakr et Omar au même niveau que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils se sont trompés, tu ne dois pas les suivre, tu dois suivre la sunnah, revenir à la sunnah. Hein? Il y a beaucoup d'exemples de ça dans les hadiths, dans les athars des sahaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à ce sujet-là, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Donc ça veut dire, oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement parmi vous, et si vous vous disputez à quoi que ce soit, ramenez-le, hein, si vous divergez à quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, ça veut dire au Coran et à la Sunna, si vous êtes croyant à Allah et au jour dernier. Donc, la voie des salafs, c'est de ramener les divergences au Coran et à la Sunna, hein, après lui. Et si les sahaba étaient tous d'accord sur un point, là, personne n'a le droit de diverger avec eux. Personne n'a le droit de les contredire. Parce qu'ils ont une ijma, ils ont un consensus, ils sont d'accord sur une chose. Toi, tu peux pas venir après puis dire, non, c'est autre chose. Hein? Mais, s'ils sont en désaccord entre eux sur un point, dans ce cas-là, on ne prend pas celle qui nous plaît parmi leur opinion et dire on le suit, non. On regarde par rapport aux adillah, aux preuves. Hein, quelles preuves ils ont ramenées? C'était quoi leur argument? Parce que les sahabas, ils n'ont pas divergé intentionnellement en voulant contredire les textes. Hein. Aucun sahabi, aucun parmi les ulama, quand il contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou quand il contredit la sunna, il le fait intentionnellement. Il l'a fait par erreur, hein, ou par ijtihad. Dans ce cas-là, on retourne au texte, aux arguments, et on regarde qu'est-ce qui est en accord avec la sunna. Ce qui est en accord avec la sunna, on le suit. Ce qui est en contradiction, on le rejette. D'accord? Et même si eux, ils sont excusés pour leur ijtihad, ils sont excusés parce qu'ils ont fait un effort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر. سلام الله. Si il a fait une ijtihad, il a eu une bonne réponse, il a atteint le but, il aura deux récompenses, mais s'il s'est trompé, il aura juste une. Donc lui, il est excusé, il a une ajr, il a une récompense, mais toi, si tu es au courant de son erreur et tu sais qu'il s'est trompé et que tu décides de le suivre quand même, alors que tu connais le hadith qui contredit sa parole, eh bien dans ce cas-là, toi, tu n'es pas excusé. Lui, il est excusé, mais pas toi. Parce que lui, il a été parmi les gens qui ont eu une excuse du fait qu'ils sont parmi les ulama, tandis que toi, tu n'es pas dans cette catégorie-là. Et il y a aussi l'exemple du hadith qui dit, ou de celui qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les hadiths, qui dit, qu'est-ce que ça dit encore? Ça dit, ce qui dit, ikhtilaf ummati rahma. Les gens qui disent ça, hein, la divergence est une miséricorde pour ma umma. Hein. Et ça, bien entendu, c'est pas un hadith authentique. Et ça contredit même le Coran, qui dit, par exemple, dans une ayah dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. Donc ils continueront toujours à diverger, sauf ceux qui ont eu la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire ceux qui ont eu la miséricorde d'Allah, ils ne divergent pas. Mais ceux qui divergent, ceux qui n'ont pas la miséricorde d'Allah. Donc comment on peut dire par la suite que la divergence dans la umma est une rahma? Au contraire, la divergence dans la umma, c'est un châtiment. Hein? Il faut pas diverger. Donc, alhamdulillah. La tajtami ummati ala dalala. Oui, c'est ça. Non. Exactement. Exactement. Donc, comme le frère il dit, et en particulier de diverger dans les questions d'aqida. Et dans les questions des bases de l'islam, comment tu vas diverger dans les bases de l'islam alors que les sahabes étaient tous d'accord, unis là-dedans, hein? Donc ça c'est pas possible que toi tu dis que tu aies le droit de diverger dans quelque chose sur lequel les salafs étaient tous d'accord, hein? Et tu dis, ah oui, les salafs ils croyaient à ça, hein, mais moi je préfère croire à autre chose. Ajib, t'es meilleur que eux, hein? Donc ça c'est un exemple. Et aussi le frère, qu'est-ce qu'il a dit aussi à propos de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La tajtami'u ummati ala dalala » ma umma ne peut pas s'unir sur un égarement. Hein? Donc s'il y a quelque chose au sujet duquel il y a une divergence, sache qu'il y a, il doit y avoir un égarement quelque part là-dedans. Hein? Donc alhamdulillah. Après il dit ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. Donc il montre encore une fois un des grands principes d'Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, c'est qu'il se réfère au salaf al-Salihin, parmi les imams de la religion et les ulama des musulmans. Et il s'accroche à ce à quoi il s'accrochait de la religion et de la vérité qui est claire. D'accord? Donc, il s'accroche à la voix des salafs. Et on a expliqué déjà au début de ce dars que les salafs salih, c'est les sahaba. Hein, les sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et le cheikh, il a bien spécifié as-salihin, as-salaf as-salihin. Parce que parfois, parmi les sahaba par exemple, si il y en a parmi eux qui ont fait par exemple un péché ou qui ont fait par exemple quelque chose qui n'était pas permis dans l'islam, on les suit pas dans le péché qu'ils ont fait, on les suit uniquement dans les bonnes choses qu'ils ont fait. Hein? C'est pour ça qu'on dit as-salaf as-salihin. Hein? On a eu des exemples, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un sahabi qui avait bu de l'alcool, on a appliqué sur lui la punition. Hein? Une autre femme, elle avait fait le zina, on a appliqué sur elle la punition, des choses de ce genre. Donc ça c'est des mauvais exemples, mais on les suit dans le bel exemple, on les suit dans le tawbah par exemple, du fait qu'ils ont fait repentance à Allah subhanahu wa ta'ala. On les suit dans leur ikhlas, dans leur sidq, dans leur sincérité, mais pas dans l'exemple qu'ils ont fait, si c'est en contradiction au Coran, ou si c'est en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Après le cheikh ici, ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهم ويحبونهم ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون أذانهم عن سماع أباطنهم التي إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب وضرت وجرت إليها من الوسواس والخطرات الفاسدة ما جرت وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Donc le chef ici il explique un point qui fait encore partie comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais là il détaille encore plus. Il dit que les gens d'Ahlul Hadith, parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils détestent les gens de Bid'ah. Ils détestent les gens de Bid'ah. Ceux qui ont inventé dans la religion ceux qui n'en font pas partie. Donc ils détestent les soufis, ils détestent les chiites, ils détestent les khawarij, ils détestent les mu'tazila, ils détestent tous les groupes de gens de Bid'ah qui ont amené des innovations dans la religion, ils détestent ces gens-là. Hein, et ils ne les aiment pas, et ils ne les prennent pas comme des compagnons, et ils ne les écoutent pas, ils n'écoutent pas leurs paroles, ils ne s'assoient pas avec eux, et ils ne débattent pas avec eux ou argumentent pas avec eux dans la religion, et ils ne font pas des dialogues avec eux, hein, et ils considèrent que même il faut même se boucher les oreilles quand ils mentionnent leur fausseté et leur mensonge. Hein, parce que ce qui passe dans les oreilles et qui reste pris dans le cœur par la suite, eh bien ça va nuire, hein, et ça va créer toutes sortes de comment on pourrait dire, wiswas, toutes sortes, hein, pardon, ouais, toutes sortes de soufflements, des suggestions, des doutes peut-être même qui vont rester pris dans le cœur, hein, et puis par la suite c'est difficile de s'en débarrasser. Ça reste toujours dans le cœur, et puis après tu peux pas t'en débarrasser. C'est ça le danger. Quand tu parles avec des gens de Bid'ah, ou que tu écoutes des gens de Bid'ah, il y a des gens qui disent, ah, je veux juste regarder dans tel site, juste pour curiosité. On voit qu'est-ce qu'ils disent. Et là tu rentres, et t'es pas armé, t'as pas la connaissance qu'il faut, alors tu rentres dans ce site et tout, et tu sais pas comment réfuter ce qui est écrit dans ce site-là. Alors tu restes toujours avec ça dans ton cœur. Et ça te ronge et aller par la suite, tu dis, subhanallah, qu'est-ce que je fais, hein? Et tu peux pas appeler les ulama facilement, des fois, t'as de la difficulté. Alors là, tu restes pris avec ça. Et ça devient fitna pour toi, hein. Et la bid'a, des fois, c'est comme la rage, hein. Il y a des paroles, des citations, même des salafs qui mentionnent que les gens de bid'a, la bid'a, elle rentre dans les gens et elle coule dans leur corps comme la rage. Hein? Et donc, ils peuvent plus penser à rien d'autre, ils peuvent plus faire rien d'autre, c'est comme si ça les possède en entier. Hein? Ils deviennent possédés par cette bid'ah. Hein? Et tu vois ça surtout dans les takfiriyyins et les gens de takfir et le khawarij, ils sont obsédés par une question, c'est comme si ça prend tout leur cœur et leur tête, et ils peuvent plus penser à d'autres choses. Et quand ils parlent, tu vois, on dirait que c'est des gens qui ont la rage. Eh bien, c'est ça la réalité, donc c'est pour ça. Hein? Je pense que la parole, ça dit « Tatajara fihim al-ahwa kama tajri al-kalabu fi sahibihi » ou quelque chose comme ça. Subhanallah, je ne me rappelle plus exactement, mais si vous voyez dans le livre de As-Sunna de l'imam al-Asbahani, que Cheikh al-Albani a fait le tahrij, je pense que c'est parmi les premiers ayatars qui sont mentionnés, c'est celui-là. Yani. Et donc, tu les écoutes même pas. Il y en a parmi les salafs, il y en a qui disaient, par exemple, il y en a qui disaient à son fils, mets tes doigts dans tes oreilles pour pas entendre. Il y en a qu'est-ce qu'il raconte, ce gars-là, parce que c'est un mubtadi. Il y en a qui venaient des fois pour argumenter, dire, mon père, juste discuter avec toi. Il y en a qui venaient à Mohammed ibn Sirin, Il dit, on veut juste lire un verset. Il dit, non. Il dit, juste un hadith, yani. Ou la moitié d'un hadith. Il dit, ou bien un hadith, mais pas même, il dit, je veux rien attendre de vous, pas même la moitié d'un hadith, pas même la moitié d'un ayah. Hein? Et donc, c'est pour te dire à quel point les salafs, ils étaient, ils faisaient attention à ça. Et des fois, il y en a qui venaient, ils disaient, est-ce qu'on peut s'asseoir avec toi pour discuter, aller pour parler d'un verset ou d'un hadith? Et ils disaient, soit que je me lève ou soit que tu te lèves, un des deux. Moi, je ne m'assois pas avec toi. Donc, c'est pour te dire, comment ils étaient fermes à leur position. Donc, alhamdoulillah. Et comme il mentionne ensuite le verset, c'est le verset 67 dans Sourate Al-An'am, ça dit, et si tu vois ceux qui disputent ou ceux qui patauchent dans nos versets, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils discutent d'un autre sujet. Ne t'assois pas avec eux pendant qu'ils discutent de leur bid'a et des choses de ce genre. Et le cheikh Ibrahim al-Ruhayli, à ce sujet-là, il avait dit, par exemple, le fait de ne pas discuter ou d'argumenter avec eux, il dit, « Illa iza kana aliman wa yastati'u an yarudda ala shubahihim. » Ça, c'est une condition qu'il avait rajoutée. Il a dit, il ne discute pas avec eux, il n'argumente pas avec eux, excepté si c'est une personne qui est un alim et qui est capable de réfuter leur shubah. Sinon, il ne doit pas argumenter avec lui. Et le cheikh Al-Shawkani, le cheikh qui a fait le tahqiq du livre, il mentionne un passage de Fath al-Qadir de l'imam Al-Shawkani à ce sujet-là. Il dit والمعنى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم حتى يخوض في حديث مغير له وأمره الله سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هي الخوض في غير ذلك وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة فإنه إذا لم ينكر عليهم ولم يغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم وذلك يسير عليه غير عسير وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد السماع المنكر. Le cheikh il dit, un principe vraiment important, cheikh Al-Shawkani, rahimahullah, il dit que, il explique ce verset-là, le verset qu'on a mentionné, 68, dans Sourate Al-An'am, il dit que ça veut dire quoi ce verset-là? Ça veut dire que si tu vois des gens qui disputent au sujet des versets, et qui les traitent de mensonges, qui les rejettent, qui se moquent de ces versets-là, alors éloigne-toi d'eux et ne t'assois pas avec eux, et n'écoute pas leurs paroles. Parce que c'est un mal énorme qu'ils disent, jusqu'à ce qu'ils discutent d'un autre sujet, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de nous détourner des gens qui ou des assemblées où on se moque, où on dénigre les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'ils tombent dans un autre sujet. Et le cheikh il dit wa fi hadhihi al-aya, et dans ce verset il y a une exhortation énorme pour celui qui se permet de s'asseoir avec les mubtadi'a, les gens de bid'a, qui déforment les paroles d'Allah et qui jouent avec le Coran et la Sunna et qui rejettent les textes du Coran et de la Sunna avec leur passion, qui se basent sur leur passion déviée et égarée et leur bid'a pour essayer de rejeter qu'est-ce qui vient du Coran et de la Sunna. Donc, si tu ne, si la personne, elle n'est pas capable de réfuter et de rejeter ce que ces gens-là font, alors le moins que tu peux faire, c'est de ne pas t'asseoir avec eux. Et ça, c'est pas difficile à faire, c'est très facile. C'est-à-dire de les abandonner et de ne pas t'asseoir avec eux, c'est plus facile. Donc, dans ce cas-là, tu t'éloignes d'eux. Et peut-être que si tu t'assois avec eux et que tu restes avec eux, eh ben, yani, même si toi-même, tu vas pas te faire tromper par une de leurs bid'ahs, et tu vas pas tomber dans une de leurs bid'ahs, peut-être qu'une personne qui va te voir rester avec eux, va penser qu'ils sont corrects ou quelque chose comme ça, et donc ça risque de les amener ou les inciter à yani, s'asseoir avec eux aussi, et ils risquent par la suite de tomber dans des bid'ahs, donc à cause de ça. Donc c'est mieux d'éviter des choses pareilles. Et on va s'arrêter ici maintenant, on va prendre une pause et puis on continuera inshallah plus tard bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.